pas entrer dans vos règles. Regardez ce qu'elles font à notre elle a des règles. Nous conduisent à la jetée de l'existence. Je peux pas croire qu'on a de la chance. J'entre en France qu'une fois à côté des oiseaux, sous un soleil plombant avec mon bédo. Le bourdonnement des abeilles et l'écoulement d'un ruisseau. La vue sur la montagne devant un parc à chevaux. Tout ce que je gagne se trouve là-haut. Loin du bruit des commerciaux, loin de la campagne d'un sarco, de l'intoxication des infos, de notre formatage quotidien, mais plutôt sur les hauteurs de mon cerveau, à la grandeur de mes mots. Loi zéro, obligation zéro. Je pèse mes mots, ça craint premier valeur, à la hauteur de vos peurs. Ruinés, gars rebelles, on veut être nous les antisociaux. Je veux profiter de ma vie, je veux pas d'un demain tout gris. Je veux pas de pensée voilée par l'obligation de rentrer dans vos cases. Mon paradis se trouve pas à la passe. Président, vas-y, écrase au gouvernement. Représente mon blase, mon envie d'une nouvelle phase de compréhension humanitaire. Mes rêves sont loin des guerres, loin du bruit des militaires, de vos raisonnements diaboliques. Ils sont au pied d'un arbre cosmique, dans une forêt fantastique, dans une zone désertique, de vos actes tyranniques, acceptés dans le cadre d'une excuse démocratique. Y'a besoin d'un déclic ici-bas, y'a besoin d'un déclic ici-bas. Abramos, salvemos, aquí parte baja. Sous la tutelle de la désolation, sous l'aile de la trahison, de l'abandon. Je veux connaître le calme, à l'unisson, la vie, la vraie, sur les trames de la gravitation. Sous la tutelle de la désolation, sous l'aile de la trahison, de l'abandon. Je veux connaître le calme, à l'unisson, la vie, la vraie, sur les trames de la gravitation. Je veux être loin de vous, loin de tout ça, ça me rend malade. Je veux connaître du beau, plus jamais du fade. Je veux être loin de vos trahisons, des terres de désolation. Je me sens chanceux quand je vois l'Afrique malheureux, quand je les vois, mais le hic. Cette personne peut dire profiter de la vie, dépendant du fric, dépendant des flics. Je verse une larme quand je vois ces bidonvilles à cause de vous, vos armes, votre bidon de vie, votre bidon d'huile sur les arbres. Votre bison futé qui encourage les caisses à rouler. Ma peine est immense, la destruction imminente. J'écris ce texte un poids sur le cœur. Pour une peste de life, j'ai de la rancœur incurable. Quand je vois le résultat de vos massacres, un coup de knife, vous poignardez nos rêves. Laissez une trêve à l'humanité, laissez-nous rêver. Abandonnez vos projets, retour à la nature. Excusons-nous aux animaux, retour aux sources. Écoutez plutôt le son des oiseaux. Sous la tutelle de la désolation, sous l'aile de la trahison, de l'abandon. Je veux connaître le calme, à l'unisson, la vie, la vraie, sur les crânes de la gravitation. Sous la tutelle de la désolation, sous l'aile de la trahison, de l'abandon. Je veux connaître le calme, à l'unisson, la vie, la vraie, sur les crânes de la gravitation.